Alors, quoi de neuf pour la rentrée ? Eh bien, écoute Thibaut, pour cette émission de rentrée, j'avais décidé de faire un gâteau pour mes amis chroniqueurs et chroniqueuses. Ah. Oui, car cette année, j'ai décidé d'être trop gentil. Par exemple, pour remarquer que qu'au cours des prochaines émissions, je ne gagnerai pas tout le temps. Non pas, je ne connaisse pas les réponses. Hein. Non, non, pendant mes vacances, j'ai révisé tous les films de Spielberg, de manière à pouvoir répondre aux questions de Léa. J'ai également profité de la canicule qui a semé les filles sur la plage pour piquer tous les numéros de Closer, Voici et Public, qui traînaient sur les serviettes afin d'être à même de déceler le faux du vrai dans les popotins de Floriane. Je suis incollable, je vous dis. Mais je vous laisserai quand même gagner quelques fois. Car je suis gentil, mignon même. Il est mignon, monsieur Pignon. Il est méchant, monsieur Brochant. Oui, j'ai aussi travaillé les répliques de films. C'est bien. Je suis prêt pour cette nouvelle saison. Et pour l'inaugurer, j'ai donc décidé de faire un gâteau. Problème, je ne sais pas faire les gâteaux. Qu'à cela ne tienne. J'allais apprendre. Je tape cours de pâtisserie sur Google. Et là, qu'est-ce que je vois apparaître en première position de résultat? Je vous le donne en mille. Feuille. Apprenez la pâtisserie avec Cyril Lignac. Certains en déboutons en mangeant sa cuisine. Moi, c'est rien qu'en voyant son nom. Cyril Lignac, qui m'a volé celle qui devait en toute logique partager ma... Alors, je voulais aussi vous dire que j'avais pris la ferme résolution en ce début de saison de ne plus jamais parler de Sophie Marceau dans mes chroniques. Voilà, c'est dit et c'est fait. Alors bien sûr, c'est moi qui n'en parlerai plus, hein, et ça n'engage que moi. Si Sophie, tu veux parler de moi, voire même m'appeler, je te répondrai. Ne serait-ce que par correction. On n'est pas des bêtes quand même. Donc par la faute de Cyril Lignac, il n'y aura pas de gâteau. Mais rassurez-vous, car à défaut de vous en faire déguster un, je vais vous en parler. Ce qui est quand même beaucoup plus radiophonique. Je vais vous parler d'un cake. Un vrai cake. Le cake Vandamme. Jean-Claude Vandamme. Ah si, c'est un cake. Hein. Il arrive à être con même quand il n'est pas beurré. Je suis donc... Il faut un effet retard. Je suis donc allé voir ce que l'on racontait sur lui sur Wikipédia. Et là, en première ligne, on peut lire, et je vous jure que c'est vrai, vous pourrez vérifier, Jean-Claude Van Damme, acteur, réalisateur, producteur de cinéma et pratiquant d'arts martiaux belges. Les arts martiaux belges. Alors moi, je connaissais les arts martiaux asiatiques, hein, je vois à peu près ce que c'est, mais belges. Ils se battent à coups de frites. Peut-être après tout, hein, d'où l'expression se friter. Oh, pas mal. Hein, ou encore mettre une patate. Purée, qu'est-ce que je suis drôle une fois. Hein. Oh, là, là, là. Alors c'était à la piscine de Bruxelles, alors qu'il avait à peine 10 ans, qu'il se battait à coups de frites avec son papy brossard, que Jean-Claude Van Damme fut repéré par un moine Shaolin, qui était depuis 2 ans en apnée au fond du bassin. Celui-ci décida de l'initier aux arts martiaux. Ses débuts au cinéma, il les fait alors qu'il n'a pas encore 18 ans, dans un film X, Kung Fu Banda. Oh là là. Quelques temps plus tard, il sera même soupçonné de proxénétisme par le seul fait qu'il s'appelait Jean-Claude Van Damme. Oh, bien joué. Ah, d'accord. Oui, oui, oui, oui. C'est dur des fois. Quelquefois, c'est très dur, surtout au bout de 2 heures. Pour fuir le scandale, il émigre aux USA alors qu'il ne sait pas parler anglais, ce qui ne lui pose aucun problème, puisque de toute façon, il n'a jamais su parler français non plus. Non, là, je suis pas gentil. C'est juste que Jean-Claude, il est pas comme nous. Jean-Claude, il est aware. Alors que ma belle-mère, elle, elle est tupperware. Ce qui n'est pas une raison pour la mettre en boîte. Jean-Claude est un philosophe de la vie. N'a-t-il pas déclaré « Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. Et les avions aussi. Et en même temps, l'air, tu peux le toucher. Ça existe et ça n'existe pas. Ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim. It's magic. L'air, c'est beau et en même temps, tu peux pas le voir. C'est doux et tu peux pas le toucher. L'air, c'est un peu comme mon cerveau. » L'air, c'est un peu comme mon cerveau. Scoop révélation, breaking news. Jean-Claude Van Damme aurait un cerveau. Ça ne serait donc pas qu'une masque de muscles prête à taper sur tout ce qui bouge, et même ce qui bouge pas, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Ah pardon, une réaction sur hashtag Pantex d'un certain Jean-Claude VD. Ouh là là. Selon les statistiques, il y a un chroniqueur sur 5 qui est déséquilibré. S'il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon pour toi. Ah, et je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est la raison pour laquelle je consacrerai une prochaine chronique à la seule personne au monde capable de comprendre Jean-Claude Van Damme, à savoir Chuck Norris. Merci. Bravo.